Chapitre 111. La manière de boire est la recommandation de respirer trois fois à l'extérieur du récipient et non à l'intérieur, et de faire circuler le récipient en commençant par la droite. 757. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, buvait en trois fois, en respirant en dehors du récipient, après chacune d'entre elles. Al-Bukhari et Muslim. 758. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne buvez pas d'un trait comme les chameaux, mais en deux ou trois fois. Dites Bismillah avant de boire et Alhamdulillah après avoir bu. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 759. D'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit à celui qui boit de respirer dans le récipient. Al-Bukhari et Muslim. 760. Selon Anas, radiyallahu anhu, un mélange de lait et d'eau fut apporté au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui en but. À sa droite se trouvait un bédouin et à sa gauche, Abu Bakr. Il tendit le récipient au bédouin en disant « D'abord à droite et ainsi de suite. » Al-Bukhari et Muslim. 761. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, on offrit à boire au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui en but une partie. À sa droite se trouvait un garçon, Ibn Abbas, et à sa gauche des personnes âgées. Il dit au garçon, alayhi salatu wassalam, « Me permets-tu de commencer par ceci ?» Le garçon répondit, « Non par Allah. Ô messager d'Allah, je ne ferai jamais passer quelqu'un avant moi dans ce qui vient de toi. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui tendit alors le reste de la boisson. Al-Bukhari et Muslim.